Utaokenda utikanga inamoa Zuri langa yeshira Seyo na inda kara kukini susupe Kukanga mwishima Susi eleki na butuse kolela Soki okuboya osombi wanangai Yekla salanga na miso kuyeba Mwoli mwanzoka buye elati singa mukuya Zela ya paradis Keto na nzubi Na regrete ma oma ya bolingo ekista na kate Nyozo wana basiba ya mbaka ya Didier Kass Amu reza kila reza terori Kote ya mbongo amu linga nokte Kukusama na ikoma Motu asali sakayo Asala kama bis Kolo baka kumbuni na ndingi ya mabete L'homme de la séduction du déclin la bifel ba mama ba yaya ba leki ba fiti ba ami na pesi bino tumote kapo na iba kombo tute bina boki bino mongo moko leke somu da imono ili kete ya mukisto ya marachuri kino azoba na mongo na jijima uvoze na yeko wa satana naiko papa te naiko mama te naiko mbongo te Deixa eu comer na papai, vai na vina caiu, ai ai. Vai na vina caiu, ai ai. Deixa eu ser de caiu, galestili. Deixa eu ir, galestili. Deixa eu ser de caiu, galestili. kwende tu yo yebi kwende tu yo yebi ya komyole sa mwana kwa yena ayo yonike beke wende tu yo yebi kwende tu yo yebi ya komyole sa mwana kwa yena ayo yonike valisi. Yannick Sadiqué, Yann Fada, Le Bourg, Louis Blaise Rondolé le notable, Bella de l'efficacité. Origine Maramona, moi j'ai un monsieur, on est basse à France, on va entendre avec nous, mon pauvre, moi c'est un piste, moi c'est un peu comment. Voilà France, vous allez bien. Je sais que je vous manque beaucoup, quoi. Il est classe, Delta Charlie.